Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers. Jean-Philippe Toussaint. Annie Arnaud. Antonio Lobo Antunesch. André Brink. Jean Dormesson. Lydie Salvert. Et toute cette semaine, Geneviève Brissac s'entretient avec Annie Arnaud. À voix nue. Annie Arnaud s'entretient avec Geneviève Brissac. Deuxième volet. J'essaie de ne pas considérer la violence, les débordements de tendresse, les reproches de ma mère comme seulement des traits personnels de caractère, mais de les situer aussi dans son histoire et sa condition sociale. Cette façon d'écrire, qui me semble aller dans le sens de la vérité, m'aide à sortir de la solitude et de l'obscurité du souvenir individuel par la découverte d'une signification plus générale. Mais je sens que quelque chose en moi résiste et voudrait conserver de ma mère des images purement affectives, chaleur ou larmes, sans leur donner de sens. C'était une mère commerçante. Elle appartenait d'abord aux clients qui nous faisaient vivre. Bon, je ne vais pas continuer, Annie Arnaud. Cette phrase, ce petit paragraphe extrait d'une femme, évoque donc votre mère, puisque c'est par elle qu'on va continuer. C'est un livre donc qui essaye de rassembler ces différents visages. Et ça a été un livre difficile à écrire. Et on va partir peut-être par là. Oui, c'est un livre difficile parce que je l'ai écrit, j'ai commencé de l'écrire quelques mois avant qu'elle meure, mais quand j'écrivais, elle était déjà depuis quelques années atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et donc elle était dans la destruction, son image qui a été si forte, si flamboyante, je crois, violente, comme vous venez de lire, d'un seul coup, devenait celle d'une femme qui ne se souvient plus, qui est une enfant, qui aussi d'une femme qui est folle. La maladie d'Alzheimer, c'est aussi une forme, par certains mots, ressemble à la folie. Et comme en plus, c'était une femme qui était violente, je me répète, mais c'est vrai que c'est certainement un des termes qui peut le mieux la caractériser. Elle était aussi dans sa maladie d'Alzheimer d'une extrême violence et dont des reproches ou des phrases qui lui venaient et qui m'atteignaient très profondément. Donc, et elle est morte subitement. Donc en avril 86, et là j'ai repris complètement le texte que j'avais commencé, et j'ai écrit ce livre, et je me suis aperçue combien c'était plus difficile d'écrire sur elle que ce ne l'avait été sur mon père. Parce que sans doute le deuil était très récent, mais il y avait autre chose, c'est que j'avais avec elle des rapports beaucoup plus complexes, et que il fallait justement, je voulais absolument raconter l'histoire d'une femme, et pas ma mère, hein, c'est ce titre-là, une femme, c'est-à-dire de la trajectoire d'une petite fille qui est née au début du siècle, était née en 1906, et qui sera ouvrière, commerçante, donc par certains côtés, ça ressemble à mon père, oui. Mais ce n'est très très différent, c'est très différent, parce qu'elle est animée d'une personnalité, c'est une battante, et c'est une révoltée. Et c'est aussi une personne très intelligente. Et c'est une personne qui veut toujours, pour qui le savoir compte énormément. et qui a un sens de la beauté et qui aime énormément la vie et qui aime tout, je crois. Alors évidemment, il y a un embargo sur le sexe, on va dire, mais peut-être justement les... Encore les... qu'ils surgissent de temps en temps. Oui, mais... oui, bien sûr. Mais c'était une question qui restera pour moi assez opaque. Je ne pourrais pas savoir exactement, mais j'ai là... Bon, je pense d'après, justement, j'en ai parlé encore dans le journal sur la maladie de ma mère, je ne suis pas sortie de ma nuit, combien elle était toujours hantée par le sexe. Finalement, donc je crois que ça existait. Et l'écriture de ce texte, une plongée dans un magma, je crois, d'où surgissait au fond une chose qui est, c'est sans doute que ma mère a eu une importance capitale, non seulement dans ma vie, mais dans mon écriture. C'est une femme qui a lutté contre beaucoup de choses, celles que je connais et d'autres que je ne connaîtrai jamais, qui ressortissent à l'enfance. Et je pense beaucoup à l'usine. Oui. À l'usine, oui. Il y a une lutte, il y a très seulement une lutte pour rester digne à l'usine. Et aussi pour, elle ne supportait pas d'être... Elle ne supportait pas d'être commandée, comme elle disait. Donc, elle a eu souvent des histoires avec les contremaîtres, avec les chefs, parce qu'elle supportait très très mal l'autorité. Voilà. Mais alors, elle se retrouve. Alors, dans les armoires vides, la perception qu'a le lecteur oui. de la mère de Denise Le Sueur est très différente. Oui. Parce que c'est la première vision. Alors, il y a une double mère. Il y a une mère. Généreuse, oui. bonne, qui a l'épicerie, et, oui. etc. Et puis il y a aussi une mère. La mère conformiste. Oui, conformiste. Donc, oui, mais ça aussi, répressive, c'est vrai. Répressive. Oui, mais c'est vrai. Et c'est une. Et c'est en plus, une celle dont on a honte éventuellement, parce qu'elle oui. fait quand même pas. Elle a beau être conformiste, non. elle fait quand même pas comme il faut, ce qui est voilà. malgré tout. Exactement, oui. C'est quand même. Oui, elle restera, elle aura toujours des. Malgré ses efforts, malgré. Elle a deux visages, je dis. Elle a le visage de commerçante et elle a le visage dans le monde, mais elle a aussi les gestes. Les façons de parler, elle a deux langages. Elle n'a pas de robe de chambre. Non, par exemple, comme elle n'a pas de robe de chambre. Ça ne lui viendrait pas à l'idée d'avoir une robe de chambre, bien sûr. Et d'où elle apparaîtra en chemise de nuit, comme je dis, dans la honte devant les élèves de la classe et la maîtresse qui me plongera dans la honte la plus affreuse. Voilà, parce que c'est la mère que j'aurais voulu qu'on ne voit jamais. C'est-à-dire la mère de l'intimité, de l'intérieur, oui. de l'intérieur, et celle aussi qui me bat. Hein. Qui donne des coups de poing. Ah oui, elle donne des coups de poing. Elle ne donne c'est pas toujours les fameux poings. D'ailleurs. Voilà, oui. c'est pas la fessée, ma mère. Oui. C'est soit la gifle qui est très humiliante, soit quand elle est vraiment très en colère, c'est les coups qui s'abattent. C'est la grêle de coups. Et ce sont des. Alors je suis dans une révolte évidemment extraordinaire, et il faut composer. Avec cette violence-là et avec qui est fréquente de la part des femmes, des hommes, les enfants reçoivent des coups. Ils sont plus faibles. Et donc voilà, ils prennent des coups pour les dresser. Une bonne correction, ça s'appelle une bonne oui. correction. Hein. Alors je ne pactise pas du tout avec ce modèle éducatif. Simplement, je reconnais que c'est ce modèle-là qui est courant, qui était donc, en vigueur, qui est en qui vigueur. Est d'ailleurs assez largement encore. Oui, peut-être aussi répandu, mais dans le monde populaire et je crois qu'il faut que je fasse avec aussi une extrême bonté de la part de ma mère. Elle me gâtait énormément. Elle ne me refusait rien dans la mesure de ses moyens. Elle dit je ferai tout pour toi. Oui, c'était oui, mais elle me le reprochait en même temps. C'est difficile de tout faire pour quelqu'un sans le reprocher, peut-être. Je ne sais pas, mais je le vivais aussi assez mal parce que quand on est adolescent, on se dit c'est pas parce que ma mère a travaillé à l'usine dès l'âge voilà que moi je parce que je fais des études on me reproche de le pas être assez jeune oui ne voulez pas oui un peu ça c'est bien sûr c'est que très souvent j'ai eu le sens effectivement du privilège qui m'était accordée par rapport à beaucoup, c'est-à-dire de pouvoir poursuivre des études. Parce que poursuivre des études, il faut bien savoir, c'était pas seulement que ça pouvait coûter cher, mais c'était que je ne travaillais pas. Alors, c'est vrai que cette mère valorise les études. Énormément. Même si, les bonnes manières veulent qu'on n'en fasse pas état et qu'elles disent toujours, on ne l'a pas poussé, c'est elle qui a voulu, etc. etc. Oui, c'est vrai qu'elle ne surveillait pas mes devoirs. J'étais vraiment libre de faire ce que je voulais lorsque je rentrais de classe. D'ailleurs, très longtemps, je n'ai pas appris mes leçons parce que je les apprenais vite. Donc, on ne me voyait même pas dans mes livres. Mais comme les résultats étaient là, il n'y avait pas de problème. Alors, on parlait de ce langage, donc de ce langage maternel, la langue maternelle, qui est... Oui, je crois, enfin je m'en aperçois de plus en plus, et c'est qu'il est au fond, de mon écriture, parce qu'il est, sans doute le paradigme du langage de toute la classe sociale, en fait, dont je suis issue. En ce sens que les mots, maintenant, il y aura plus de 17 ans que, non, pas tant que ça, 16 ans que ma mère est décédée. Et il y a quelquefois donc les mots qui me reviennent. Et j'avais raison de dire à la fin d'une femme que c'était le dernier lien avec le monde dont je suis issue. Je l'ai écrit un peu intuitivement, dans la violence du deuil et de la fin de ce livre-là. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que il y a tout un langage que je n'entendrai plus, que je ne peux plus entendre, d'abord parce que je suis déracinée de la Normandie et déracinée aussi du monde populaire, et que ce langage-là, il ne peut me revenir que par les autres, quand j'entends ces mots-là. Ou alors, quelquefois, ils me traversent, ce son. Et je m'aperçois à quel point ils sont comme des choses, ce sont comme des objets, ce sont comme des pierres, ils sont liés, ils sont capables de refaire surgir, comme Proust, tout ce monde-là, les mots de une seule expression. Oui, une seule expression. Être amitieux, on dit d'un enfant ou d'un chien qu'il est amitieux, ça c'est très répandu en Normandie. Ce serait comme des petites buttes témoins finalement. Voilà, ce sont des mots parce qu'il n'y en a pas d'autres pour exprimer vraiment ça. Un petit sens précis. Oui. Et parce que j'ai pensé à cause d'une métaphore, on dit, et c'est vrai qu'il y a peu de métaphores dans vos livres, de toute façon même plus les années passent et moins il y en a peut-être, et vous dites d'ailleurs à plusieurs reprises que vous ne considérez que vous n'avez pas droit à la métaphore comme une appropriation, ce qui est à la fois une coquetterie et en même temps un choix de vie, disons, quelque chose comme ça. Peut-être, oui. Oui. Mais c'est pas ça que je voulais en venir. Ce que je voulais dire, c'est que vous présentez donc ce déracinement comme le déracinement d'immigrés, c'est-à-dire d'immigrés de l'intérieur. L'immigré mais de ça l'intérieur. Ça ne change rien du tout. Non, ça change. C'est-à-dire que comme on parle pour les Américains de gens. D'Indiens ou qui ont la langue anglaise par-dessus leur langue et leur culture, par-dessus. Vous expliquez très bien comment cette langue de l'école ou cette langue écrite que vous avez conquise, acquise, vous êtes appropriée. Avec grande facilité, avec certainement. Grande facilité. Oui, bien sûr. Quoique, j'avais un langage très académique dans mes rédactions. Et que ça a passé. Classe, oui. Oui. Oui, mais il fallait le dépouiller, en fait. Oui, donc, il y a eu une langue primitive, une langue académique par-dessus et une langue dépouillée, qui serait la langue de l'écriture et dénudée, pour parler d'Awani. Qui est une langue qui fait, au fond, qui fait presque, je ne vais pas dire la synthèse, mais un peu, tout de même. C'est-à-dire qu'avec tout ce que j'ai appris du beau langage, la syntaxe, j'ai eu une éducation aussi très classique, donc fréquenter, bien sûr, les classiques au sens restreint du terme, et puis, bien entendu, les romans du 19e, etc. Et donc, c'est tout ce que j'ai acquis de technicité, mais à travers cette forme, cette structure, de faire passer cette autre langue primitive, donc il ne se retrouve pas intact, jamais. Oui, qui jamais. Est cassé, en fait. Oui, qui est à l'intérieur, avec le choix de certains mots, avec aussi ce dépouillement, c'est-à-dire une violence des mots, finalement. Voilà, une violence qui vient dans la retenue, en fait. Dans la retenue, une violence qui vient dans la retenue, dans la litote, au fond. Ce serait la litote classique, mais mise renversée, au service, oui. Renversée pour le monde. Pour contenir de la violence, en fait. Oui. Alors, si tout cela était possible, c'est pour aussi pour une autre raison qu'on n'a pas du tout évoquée, c'est que les rôles féminins et masculins, en l'occurrence les rôles de votre mère et de votre père, n'étaient pas du tout traditionnels. Non. C'est-à-dire que s'ils avaient en commun, effectivement, d'être venus de l'usine pour aller vers le commerce, ils avaient réparti un peu à leur manière. Vous dites souvent que vous êtes une grande fille un peu braque. Mais vos parents avaient un petit côté braque aussi, chacun. Oui, j'aime bien que vous disiez cela, parce que je pense que le couple de mes parents a dû apparaître souvent, même dans la... Bon non, pas tellement dans notre classe sociale, pas trop, non. Mais un peu à l'extérieur, oui, certainement. Et c'est que mon père était un homme doux, tendre, avec une voix assez douce, une voix bien timbrée, hein, mais calme, et c'était c'est quelqu'un qui était extrêmement amoureux de ma mère, qui adorait ma mère, et qui a été, je pense, dès le départ tout à fait subjugué par elle. Et elle, eh bien, c'était une femme qui menait la barque, qui était, je dis, à un moment la volonté sociale du couple, mais la volonté tout court, et qui donc elle s'occupait. Dans le commerce, elle s'occupait de la comptabilité, elle s'occupait des impôts, des commandes, et mon père, lui, servait au café. Voilà. Il faisait la vaisselle. Et il faisait la vaisselle. Ah, et la cuisine. Et la cuisine. À un moment même, il fait la cuisine pour des filles qui travaillaient dans une usine proche et qui souhaitaient manger le midi parce qu'elles étaient de la campagne autour. Et mon père faisait à manger pour 6-7 personnes le midi. Ça veut dire quand même des repères du féminin et du masculin. Ah oui, c'était un petit peu spéciaux, disons. Ils étaient très différents, mais pour moi, c'était tout à fait normal. Ma mère s'intéressait absolument pas au ménage. Elle faisait quelquefois son lit. Donc il y a une scène dans les armoires vides, hein, c'est qui m'a profondément humiliée parce que ma mère ne faisait pas sa chambre. Elle le faisait quand elle avait le temps. Elle faisait pas son lit et elle avait pas de notion de ce qu'il fallait faire ou pas. De toute façon, il y avait très peu de meubles, etc. à la maison. Mais à l'école, donc on m'avait fait comment votre mère fait sa chambre l'après-midi. Donc vous voyez, il y avait des repères très très strict. Oui, très bien. Oui, et bon, ma mère préférait. Bon, elle ne jardinait pas. Parce que mon père jardinait, mais lorsque mon père est mort, elle s'est occupée un petit peu du jardin je sais qu'elle aimait cela, oui. Mais elle était, vous savez, elle était très forte. C'était une femme costaud, pas très grande. Je suis beaucoup plus grande qu'elle, mais elle était bâtie à chaud et à sable. Voilà une expression. Mais d'ailleurs, vous avez pensé après qu'elle ait eu son accident, oui, qu'elle se rétablirait parce que elle avait cette santé. Elle avait cette santé, cette volonté. Mais jusqu'au bout, même dans sa maladie d'Alzheimer, elle a eu cette volonté de vivre. Et j'ai toujours tellement senti cela chez ma mère. C'est un modèle formidable. Je dis que le féminisme, il commence là. Oui, c'est vrai, je le crois. Bien sûr. C'est une... En revanche, votre père était un petit peu moins armé, oui, pour aimer la vie. Et ce qui est, oui, très, très beau dans La Place... qui est un très beau livre qui lui est consacré, en, oui, fait, qui, oui, est son statut ou monument, n'est pas du tout un bon mot, parce qu'aussi bien monument, une femme que ça, pour La Place, oui, c'est comme des tableaux, je crois. C'est comme, moi, je vois ça comme des tableaux, le portrait de mon père, le portrait de ma mère. Oui, mais en même temps, je crois qu'ils ont une certaine généralité, parce qu'il, oui, y a très peu d'aspects anecdotiques, oui, d'histoire personnelle. Donc chacun peut... Il peut y mettre les siens, d'une, oui, certaine, c'est ce que façon. Les gens font, oui, oui. Mais oui, mon père était moins armé pour se battre, on va, oui, dire. Et il était... Certainement, il aurait été ouvrier sans problème parce qu'il avait une culture ouvrière. Et c'est important pour vous, parce que vous disiez que c'est par votre mère que vous aviez acquis l'écriture. Mais j'ai souvent pensé en vous lisant qu'il y avait vraiment des fils qui vous reliaient à votre père, très précieux de ce point de vue-là, de cet attachement, et même de cet attachement aux choses qu'on aime, même si les autres ne les aiment pas. Oui, je crois que c'est vraiment... Il avait, j'allais dire, l'orgueil de dire, eh bien non, je n'aime pas lire. Il l'assumait. Oui, je préfère regarder dehors. Oui, voilà ce qu'il aimait. Il aimait donc construire. Vous savez, je suis retournée quelques fois dans le quartier et j'ai vu la maison. Donc, et je suis très fière parce qu'il reste toujours le garage qu'il a construit de ses mains. Il y avait, quand nous sommes arrivés en 45, il y avait toutes sortes de bâtiments de briques et de brocs. Bon, tout cela au fil des années disparu, et pour la voiture qu'il avait achetée en 56, une petite 4 chevaux, il avait construit lui-même le garage, et ce garage donc est toujours là, et c'est vrai que j'en éprouve une fierté et même de l'émotion à vous observer, Anne. Oui, c'est vrai. Et à lui, quelle part vous attribueriez dans cette disposition où vous êtes par rapport au monde, alors ? Par rapport au monde, je crois que... je ne sais pas si c'est un cadeau ou pas, mais pour moi, vous savez, cette image du père qui fait la loi, c'est l'homme qui est aussi sans tendresse, etc. Moi, je n'y crois pas. Les hommes, je supporte très mal la domination générale masculine, soit dans ma vie personnelle, soit d'une manière générale. Et c'est pour moi, c'est incompréhensible. Et donc, c'est à mon père que je le dois. Je sais que les hommes peuvent pleurer, que les hommes peuvent être tristes, qu'ils ont plus de force physique. Oui, c'est vrai, mon père était quand même... Pour la plupart. Il était plus fort que ma mère. Mais il a eu une opération qui lui a enlevé une opération de l'estomac qui lui a enlevé cette force. Et c'était ma mère qui portait les casiers, etc. Donc, j'ai une vision très, c'est vrai, très égalitaire des rapports entre hommes et femmes. Et voilà, je lui dois ça. Je lui vient dois de là. Ça, oui. Alors donc, votre père il tenait le café. Oui. Revenons-y à ce langage du café. Et au café, il y avait des hommes, quand vous étiez, tout le temps d'ailleurs, mais qui vous frappaient beaucoup, en particulier quand vous étiez petite. Parce qu'ils étaient frappants d'abord. Et puis ils racontaient des histoires aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les hommes, toute petite, même à Lillebonne, donc le premier café de mes parents, je m'intéressais beaucoup. J'étais toujours dans le café. J'aimais beaucoup pour les entendre parler. Puis ils avaient toujours des histoires complètement faramineuses. La vantardise masculine, c'est un mystère, c'est pour vous. Ça c'est pas un mystère. Je l'ai vu tout le temps. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours prêts à faire des choses extraordinaires. Ils avaient fait toujours des choses. Ils avaient fait des choses extraordinaires. Et aussi, c'était des gens qui s'amusent, quoi. Ils s'amusaient. D'ailleurs, ma mère disait, les hommes s'amusent au café. C'est un terme. S'amuser au café. Voilà. Tandis que les femmes, elles travaillaient, faisaient des courses. Elles ne s'amusaient jamais. Il y en avait aussi quand même qui vous déplaisaient beaucoup. C'était les vieux, hein. C'est curieux, oui. C'est-à-dire que j'ai eu une expérience beaucoup avec. Il y avait un hospice tout proche, et c'était pas très bien surveillé à l'époque. Et donc les petits vieux de l'hospice venaient chez mes parents, ça, dans les années fin des années 40, dans les années 50, au même longtemps, je crois, parce que quand ma mère a quitté en 70, je me souviens qu'elle m'a raconté qu'elle avait fait cuire un lapin pour les petits vieux de l'hospice, etc. Donc c'était encore tout proche, et j'avais une répugnance, c'est vrai, pourquoi pas le dire, j'avais une répugnance pour eux. Et puis c'était quand même des êtres bizarres, parce que les grandes personnes sont censées être... Je pense que c'est une expérience importante quand on est enfant, parce que les grandes personnes sont censées être des gens justement de confiance. Oui. Et des vieilles personnes ivres ne donnent pas exactement cette... donnent quand même un sentiment d'insécurité aussi. Et l'alcoolisme est très, très présent dans mon enfance, hein, sauf en ce qui concerne mes parents. Oui. Mais il est présent dans la famille, il est présent dans le café. Il y a des femmes qui sont ivres aussi, il y a des femmes qui boivent dans le quartier. C'est une donnée, j'allais dire, une sociale, donnée de ce monde. C'est une donnée sociale qui est maintenant, et heureusement, donc, en perte de vitesse, de vérité. Mais je crois que longtemps, j'ai pensé que c'était quasiment normal et ça me répugnait beaucoup. Ça, j'avais peur de l'ivresse, j'avais peur de ça de fait cette... partie, oui, je crois que ça fait partie de l'humiliation, de toute façon. Énormément. On y voit, j'y ai pensé en lisant cette scène qui se passe chez le dentiste, et le dentiste, sans le vouloir, dit « le cidre t'a mangé les dents ». Oui, enfin, il dit pas ça comme non, ça. Non, c'est pas ça, il me dit « tu bois, est-ce que le avant le cidre, de regarder, en fait. Oui, c'est ça, oui, le cidre. Et je suis un peu scandalisée parce que mes parents, justement, ne voulaient pas que je boive de cidre. C'est un présupposé social, c'est un présupposé humiliant, en fait. Donc après, cette scène de la honte, je suis sensible à toutes ces humiliations. Enfin, qui sont des paroles de racisme, en fait, parce que ça présuppose chez l'autre un comportement qu'on croit connaître. Ça, c'est un souvenir. Il y aurait certainement beaucoup d'autres de cet ordre-là. C'était « À vos nues ». Annie Ernaux s'entretenait avec Geneviève Brisac. Bruno Sourcy. Culture, un été d'écrivain. Deuxième partie,